Sur la photo de l'article, je souris en vous montrant du doigt. Sarcastique et caustique, vous voyez, je ris avec les rois. J'ai fait ce qu'il fallait, comme toujours. Beaucoup de pire, peu de meilleur. Je suis arrivé dans la cour des puissants et des voleurs. Je représente la France, celle d'en haut de la relance. Emploi, industrie, finance, contre souffrance. Vous avez cru en moi, comme en un chef élu par le peuple roi. Et grâce au MEDEF, je suis là, je suis sans consistance pour être de circonstance. J'ai des relations, je vendrai les couleurs de demain. Je vole de meetings en salon. Yeah.